Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden Musik aus Frankreich und aus anderen frankophonen Gegenden. Am Mikrofon ist Michael Frank. Der Musiker, der diese Miniatur mit Schreibmaschine, Cembalo, Akkordeon, Mandoline und Glockenspiel komponiert und gespielt hat, heißt Jan Tiersen. Spätestens seit dem Film Die wunderbare Welt der Amelie ist er kein Unbekannter mehr, von ihm stammt nämlich der Soundtrack. Und da der Film zu Recht überall beliebt ist, dürfte Jan Tiersens Musik inzwischen vielen bekannt sein. 6 oder 7 Alben hat er bereits veröffentlicht. Das Stück mit der Schreibmaschine ist vom Album Rue de Cascade und das erschien 1998, aufgenommen wurde es schon 1996 in Nancy und Paris. Pas si simple heißt die Miniatur, die diese Soundcheck-Ausgabe eröffnet hat. Jan Tiersen ist auch im nächsten Stück zu hören, er spielt das Vibraphon und er hat das Orchesterarrangement zu diesem Chanson geschrieben. Je ne veux pas quitter heißt es. Es beginnt mit den Zeilen: Ich will nicht all das aufgeben, was ich verloren habe, wessen ich überdrüssig geworden bin, was ich nicht mehr sah. Dominique Anet hat den Text geschrieben, gesungen wird er von Françoise Brehu. Je ne veux pas quitter. Je ne veux pas quitter tout ce que j'ai perdu, dont je m'étais lassée, que je ne voyais plus. Ces cartes accrochées que toutes j'avais trop lues, et ces voix dont j'ai cru qu'elles savaient me parler. Au sol, les cartes étalées, des voix où de longs trains s'égarent, des croix sur les lieux traversés, tous ces lieux dont trop vite on part, croyant qu'on va les effacer. Ce sont eux qui nous effacent, qui l'ont décidé, et on perd sa propre trace à trop s'en aller. Je ne veux pas quitter tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai jeté en pâture à la rue, ces visages dérobés que la mémoire a bu. Je ne veux pas me couper de ces choses-là non plus. Thank you. Das war noch einmal eine Miniatur von Jan Tiersens 98er Album Rue de Cascade. Prière numéro 3 heißt sie, Gebet Nummer 3. Davor sang Françoise Brieu ein Chanson mit dem Titel Je ne veux pas quitter. Mitkomponiert wurde es von Jan Tiersen und der Multiinstrumentalist spielte auch das Vibraphon bei diesem Lied. Zu finden ist es auf dem zweiten Album von Françoise Brieu. Es wurde im Herbst 2000 veröffentlicht und trägt den Titel 20 à 30 jours, 20 bis 30.000 Tage. Bei den beliebten www-Adressen habe ich bisher leider keine Informationen gefunden, aus welchem frankophonen Land Jan Tiersen, Françoise Brieu und Dominique Annet wohl kommen, aber das braucht man ja gar nicht zu wissen, um ihre Musik zu genießen. Um Musik zwischen Chanson, Beat und Hip-Hop geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk, alles produziert in französischsprachigen Gegenden. Hier ist ein Porträt eines privilegierten, verwöhnten und offenkundig nichtsnutzigen jungen Mannes. Die Armen Reichen heißt die Nummer, Les Pauvres Riches. What you hear is the sound of the word decision, a cutting away of doubt, making up one's mind. Jean-Louis Baptiste a arrêté ses études à 20 ans, terminale, il décide de tout plaquer. Décision intelligente, il échouerait au bac pour la troisième année consécutive. Il cultive la fainéantise, il butine à la paresse collective et sèche les cours avec ses potes dans sa piole. Il habite tout seul depuis sa majorité, 56 mètres carrés à proximité du marais, c'est sa zone. En plus d'être égoïste, il boit et fume depuis l'âge de 13 ans. Peut-être qu'il se tape un gros fixe, mais non, et avale un petit truc qui te scotche les dents, puis s'arrache sur sa trottinette. JLB a rendez-vous avec une pute chatchée sur internet, le village planétaire, son tarif est excentrique. Mais monsieur a quelques briques sur son compte, donc il peut se la raconter avec ce visage qui a l'air d'être refait. Passons, ce garçon est une caïra, avec ses darons aucun respect, c'est une espèce néfaste. Il a ce style paumé pour essayer de gommer son côté friqué, mais son attitude n'est tout simplement pas naturelle. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. Yo, les vacances écolo. Saint-Paul en vélo, hollandais, tu connais les magasins bio. L'huile d'olive aux herbes de Toscane. Une nouvelle pile de livres importée de Boston. Sur mesure les costumes dans des restos chics en guest star. Fest avec la fille de Bill Clinton. Un solarium déverse des pluies de paillettes d'or, virant de l'orange au mauve selon l'emplacement de notre planète par rapport à ses astres. Moulure au plafond dans les chambres, exposée plein sud, très vaste, la grande classe Nestor. Écarte tout facteur déstabilisant, rate pour son épanouissement personnel. Le cocktail de la réussite est générationnel, le fait d'être ponctuel, toujours fonctionnel. Estelle complètement chez père, sous acide, avale des barbituriques pour redescendre. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. Elle traîne dans des squats d'artistes. Elle teint ses cheveux en rouge pour se donner l'impression qu'elle existe. Jamais un sou en poche pour se donner l'impression qu'elle résiste à la pression dans la société de consommation. Alors que sa fortune est placée sur un compte en manque énergétique. Elle écoute Louis Attack parce que sur scène, ils ont trop la patate. Elle aimerait avoir des potes en banlieue, mais la réalité la rattrape. Elle écoute aussi du rap conscient depuis trop longtemps parce que le système, il est vraiment pas juste et ça la rend pas contente. C'est pas de sa faute si ses parents sont avocats, elle a pas eu de chance, elle ne comprend pas, elle aurait bien aimé avoir le choix. En même temps, quelquefois, ça ne la dérange pas de conduire la Laguna de papa pour se rendre à son cours de capoeira. Son petit frère est MC, depuis qu'il boit de la 8-6, il s'invente une vie. Et tous les lundis après le catéchisme, il rêve de Tessie, il rêve d'avoir des soucis. C'est tellement chic de ne pas avoir de fric, tu saisis? Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. How do these words summarize for us the basic tragedy of the poem? Think back to an event in your own life which involved an important decision. Do you feel now that a different decision would have changed things for the better? Stop the record now at the band. start the record at this point. La vie qu'on aime, c'est la vie qu'on mène, une manie suprême, même si l'on sait bien d'où ça mène. La seule qui vaille vraiment la peine. On l'amène comme on l'aime, comme dans les rengaines, les poèmes et les scènes. Nous on s'aime, nous on aime. Jusqu'à perdre haleine, la seule qui vaille vraiment la peine. On l'amène comme on l'aime, la vie qu'on aime. C'est la vie qu'on mène malgré les problèmes, même si l'on sait bien où ça mène. Das Leben, das man liebt, ist das Leben, das man führt. Eine vollkommene Manie, selbst wenn man ganz gut weiß, wohin es führt. Es ist wie ein Zeichen, ein Emblem. Das Leben, das man führt, ist das Leben, das man liebt, das uns mit sich zieht, das Einzige, das wirklich der Mühe wert ist. Man lebt es, wie man es liebt, wie in den alten Schlagern, den Gedichten, den Theaterstücken. La vie qu'on mène, geschrieben wurde das Chanson von Yves Calvé und Arnold Turboust. Die Sängerin nennt sich schlicht Lina und laut ihrer Website-Adresse kommt sie aus Paris, www.linafromparis.com. Als ich das Chanson La Vie Comme Mène das erste Mal hörte, machten mich schon die ersten Töne glücklich. So etwas wie den Charme der Mid-60er-Jahre-Chansons von France Gall aus aktuellen Produktionen zu hören, hätte ich nicht zu hoffen gewagt. Lina heißt die Sängerin. Ihr Image recycelt allerlei kitschig-schrilles aus den 60er Jahren, angefangen von ihrer aufgetürmten Frisur bis zu den Bonbonfarben und Blümchen ihrer Website. La Chanson La Vie comme Man erschien im Jahr 2000 auf Linas CD mit dem wunderbaren Titel Redevenir Modest, zu Deutsch Wieder bescheiden werden. Erschienen ist die CD bei dem Wiesbadener Label Apricot Records. Vor Lina gab es das Porträt eines reichen, verwöhnten Nichtsnutzes. Les pauvres riches heißt es, zu finden auf dem gerade erschienenen Album Ceci n'est pas un disque. Das ist keine Platte. Von der Pariser Hip-Hop-Crew TTC. DJ Vadim hat diesen Track als Gast produziert. Die Platte ist das Debütalbum von TTC. Der Titel des Albums verweist auf René Magritte. Die Plattenfirma heißt passenderweise Big Dada Records, aber elitär ist das Ganze durchaus nicht, dafür witzig und abwechslungsreich. TTC heißt das Trio und Ceci n'est pas un disque ist der Titel des Debütalbums. Das nächste Stück handelt von einem jungen Mann, der sich traut, einen Minirock zu tragen. Le Garçon en Mini-Jupe, Caro. Die Sängerin, Texterin und Komponistin dieses Liedes. Sie macht sich darin über die moralische Entrüstung und Scheinheiligkeit der älteren Generation in Sachen Minirock lustig. Und dann wird der auch noch von einem langmähnigen jungen Mann getragen. Le Garçon en Mini-Jupe ist ein Hit aus Kanada. 1967 wurde der Song mit dem Chorzitat aus Happy Together im französischen Teil Kanadas um Quebec ein großer Hit. Und laut Coverangaben einer Raritäten-Sammel-LP kam er im gleichen Jahr sogar auf Platz 5 der japanischen Charts. Caro singt auch heute noch, ab und an tritt sie mit dem Song im Fernsehen auf, aber die meiste Zeit über singt sie in christlichen Cafés in und um Quebec geistliche Lieder. Hier sind noch mehr frankophone Popperlen aus den 60er Jahren. Los geht's mit den Chaussettes Noires, anno 1963.

regarde Catherine Langer à la télévision chez moi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèvent la faim. Et moi, et moi, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains. Et moi, et moi, et moi. Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens. Et moi, et moi, et moi. Le dimanche à la chasse aux lapins, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens. Et moi, et moi, et moi. Comme un con de parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. Um Musik aus Frankreich geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade drei Preziosen aus den Jahren 1963 bis 66 oder 67. Zuerst die Chaussette Noire mit Oui Chef, Bien Chef, danach Jean Ardant mit Prière Surnaturelle, dem übernatürlichen Gebet. Und gerade eben, das war Jacques Dutronc mit dem bissigen Beat-Chanson Et moi, et moi, et moi aus dem Jahr 1966. Die Musik ist von Dutronc, der bemerkenswerte Text von Jacques Lanzmann. Dutronc arbeitete Mitte der 60er Jahre als künstlerischer Leiter bei Vogue Records. Die Texte, die Lanzmann schrieb, wollte aber keiner singen, also schrieb Dutronc passende Musik dazu und sang sie selber. In Et moi, et moi, et moi heißt es zum Beispiel 50 Millionen Vietnamesen und ich und ich und ich. Sonntags gehe ich auf die Hasenjagd. Mit meinem Gewehr bin ich der König. Ich denke an sie, dann vergesse ich sie. So ist das Leben. Das nächste Stück trägt den Titel Die große Feuersbrunst, Le Grand Incendie. Feuer überall, Babylon, Paris brechen zusammen, New York City, London, Delhi, Dallas. Claudia Schiffer sagt, dass sie nicht mal Angst hat und die ganze Welt applaudiert am Fernsehen. Noir Désir heißt die Band, Le Grand Incendie das nächste Stück. Ça y est. Le grand incendie, y'a le feu partout, emergency, Babylone, Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y. We'll be right back. s'enfuir, se cacher dans une planque, s'enterrer. La marge est infime, au bord de l'abîme. Implosion, explosion, mort au comprime. Crapule, salaud, bourgeois, blaireau. Chez la bourgeoisie, ça détale dès qu'on a eu le déclic. I wanna do, do up, do. I wanna, wanna go with you. Trop tard, petit, petit malin. Indemnité, c'est pinus, t'auras rien. Le coup. Des asticots dans l'héroïne, ça me dégoûte pour de bon. Dorénavant, je bois du gin avec des sorbets au marron. Quand le printemps balaie la ville, je vais rôder le long des quais avec le collier d'or qu'Émile acheté pour mon birthday. Je chatouille les fleurs du parc en leur disant des mots d'amour. Et sur le cheval de Jeanne d'Arc, je monte faire un petit tour. Manège de la city qui me sourit. Les cerisiers de Notre-Dame préparent leur dôme éclatant pour que je joue la joie dans l'âme. Communion de voilée de blanc, la Chevrolet de la voisine bien agréable le soir, quand les lumières s'agglutinent. Petit mouton à l'abreuvoir, je glisse dans les rues fardées, un clair flacon entre les doigts, en écoutant Björk et Fauré à l'autoradio qui rejoint. La city qui me sourit. J'atterris Plaza Athénée, de temps en temps la nuit très tard, pour plonger ma peau de bébé dans un bassin de marbre noir. Je m'envole dans la journée en laissant la note à Emile dans la limousine volée. Elle est à moi la ville. Demi-clocharde, Jérusalem, m'y suis, m'y neige dans les manèges de la city qui me sourit. Musik aus Frankreich geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade Brigitte Fontaine in Zusammenarbeit mit Sonic Youth. Ein Track von ihrem letzten Album Kekeland. Demi Clochard heißt das Stück, das Porträt einer Frau, die fast, aber eben nur zur Hälfte, das Leben eines Clochards führt. Brigitte Fontaine hat seit Ende der 60er Jahre konsequent eigentümliche Platten veröffentlicht, die einen mitunter schon verstören konnten. Kekeland ist ihre bisher letzte Platte, entstanden in Zusammenarbeit, wie gesagt, mit diversen Musikerfans, Sonic Youth eben, und auch mit Noir Désir. Von Noir Désir kam die höllische Boogie-Nummer davor, von deren letzten Album, Die Visage, die Figure. Brigitte Fontaines aktuelles Album und das von Noir Désir erschienen im vergangenen Jahr. Gegen Ende der zweiten Soundcheck-Stunde gibt es noch einen gemeinsamen Track von Noir Désir und Brigitte Fontaine, hier sind aber erstmal Mohammed und Sebastian. Okay, maintenant on est venu prendre la parole, il y en a ras le cul. Moi c'est Sébastien, vous pouvez m'appeler Sébas, Babas, Bobos, Bibis, Bobos. Non, trêve de plaisanterie sérieuse. Moi je suis là pour parler parce qu'il y a trop de misère. Il y a trop de cœurs malades, il y a trop d'amour en perte, il y a trop de craintes. Alors bon, vas-y, envoie la musique putain, envoie la musique. Vas-y, moi je suis venu avec Mohamed, mon copain, on va faire une chanson super bien. Ok, c'est parti, c'est parti. Ouais. Ça va pas des tons, j'entends le marteau dans ma tête. Ça va pas des tons, j'y crois, j'avais tombé par terre. J'y suis en cage, mon cœur il pleure des larmes et des cristals. J'y suis enfermé comme un animal. Ça va pas des tons, j'entends le marteau dans ma tête. Ça va pas des tons, j'y crois, je vais tomber par terre. Ça va pas du tout, je crois, il va tomber par terre. Ça va pas du tout, je crois que je vais tomber par terre. J'ai mal à la tête, je vais tomber par terre. Apprécié, ouais, merci, franchement, si on avait jamais merci. Pour le gravier, il ne faut pas que vous marchez. Bon, maintenant. Et dans, c'est le ma, dis donc. N'a roulé, aïe, boum! Parce qu'on va en rouler fini. Ouais, ça marche. Assis sur ma valoche et l'horloge vaquait dans l'espace vacant. Le silence avouait quelque chose qui cloche. Locomo, quand soudain retentit la clameur de Tarzan. Homer, quand soudain j'entendis un autre son de cloche. Kama, ha, tu arrivais enfin. De vapeur sur ta face de tigre. Comment? Des faisceaux de sagaie, des boucliers de cuivre. Locomotive d'or. Tacan, tacan, tacan. Locomo, locomo. Locomo, locomo. Locomo, locomo. Yeah, yeah, yo, yo. Yeah, yeah, yeah, yo, yo. Yeah, yeah, yo, yo. Yeah, yeah, yeah, yo, yo. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yo, yo, yeah, encore de bondir à ton bord me donna même joie qu'au sexe de la femme. Mon corps ne m'aidait plus qu'à survoler mon corps. Ma chair devint esprit et mon âme tam-tam. Tam tam, tam tam. Oui oui, tam tam tam, tam tam tam, tam tam tam, tam tam tam. Partout dedans, dehors. Yeah yeah yo yo, yeah yeah yeah yo yo, yeah yeah yo yo, yeah yeah yo yo. Et de toutes ces dents, succulentes bananes, hey. Kenny Clark riait comme un enfant s'endort, comme un enfant s'endort, comme un enfant s'endort. Kenny Clark riait comme un enfant s'endort, comme un enfant s'endort ayant vu le miracle, comme un enfant s'endort dans l'œuf ailé de Pâques. Dans l'amour tournoyant, locomotive, locomotive, yeah yeah yo yo, yeah yeah yo yo, yeah yeah yo yo, yeah yeah yo yo, da da da da, descendre dans la gare divine, dans la gare divine, le chef de gare est aimé, dans la gare divine, la locomotive d'or va souffler, comme un enfant s'endort, locomotive d'or. Comme un enfant s'endort, locomotive d'or. Les deux ont déjeuné sur l'herbe et moi j'en avais fumé un peu. À travers mes paupières entrouvertes, l'air bleu, ton visage à l'envers sur ton buste, un baiser que tu me donnes à boire, à se croire dans un tableau d'Auguste Renoir. Un chardonneret qui sifflote dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, un verre insigne. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe et moi j'en avais fumé un peu. Tu me disais je t'aime, que ce verbe m'émeut. Donne-moi encore ta bouche qu'on déguste l'eau de vie de pomme, de prune, de poire, dans la toile étoilée de l'Auguste Renoir. Thank you. anges qui s'y flottent dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, une plume de cygne. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. Dans mes yeux, un triangle superbe, tes yeux. Puis le soir obscurcit la pelouse, pour l'oiseau laissons les gâteaux secs. C'est parfait, on repart à Toulouse, Lautrec. Papaya de Brenne. Aus Frankreich gibt es in dieser Nacht beim Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Titel von Claude Nougaro. Der längere Track handelt unter anderem von einer Lokomotive aus Gold. Locomotive d'Or heißt er, das Titelstück einer LP von Claude Nougaro aus dem Jahr 1973. Und gerade eben das Stück mit dem Xylophon erschien im Jahr 2000 aus seinem Album Embarquement immédiat. Das Chanson heißt Déjeuner sur l'herbe. Beschrieben wird da die idyllische Stimmung eines Picknicks zu zweit im Grün. So romantisch ist dem Erzähler zumute, dass er sich in ein Bild von Auguste Renoir versetzt fühlt. Claude Nougaro spielt in dem Chanson auch mit der Doppelbedeutung von l'herbe, die der des deutschen Wortes Gras entspricht. Zum Abschluss der ersten frankophonen Soundcheck-Stunde noch ein paar 1A-Grooves von Saint-Germains Album Tourist aus dem Jahr 2000.